a 5 ans, j'ai troqué ma liberté pour une alliance en or avec le diable. Et bien sûr, le maire a écorché mon nom. Ma femme a dit de continuer, c'est normal. Après 4 ans, 20 kilos et 3 gosses, j'éprouve quelques difficultés à me dire que tout est bien, nous sommes dans la moyenne, que l'important est de former une famille. Si j'étais seul, je traverserais la frontière, j'irais me trouver une petite Allemande, ou pourquoi pas une Polonaise. Si ça marchait pas, je croyais que je rentrerais pas. Mais je suis marié, j'ai des gosses, j'ai vieilli, je suis fini. Mais attention, j'ai pas dit que j'aime pas ma femme, c'est juste qu'on a du mal à communiquer. Quand l'autre jour je lui parlais du Grand Canyon, elle m'a dit qu'il fallait que j'arrête de rêver. Oh, arrête de rêver. Mais moi j'ai pas lâché la conversation, je veux qu'elle comprenne que mon rêve c'est le voyage. Mais on était en retard pour le supermarché, j'ai dû sortir la voiture du garage. Si j'étais seul, très bien la caissière, j'ai bien vu qu'elle me regarde. Ah, quand j'y pense, je pourrais être son père. Mais il lui échappera pas qu'il y a quelqu'un derrière moi. Oui, il y a ma femme, il y a mes gosses, il y a ma vie. Je suis fini. C'est pas qu'on pourrait en arriver là, mais le juge a statué, on se reverra pas. Ma femme a la garde des mots, mais moi j'ai le silence, mais leur cri me manque déjà. Leur cri me manque déjà. Leur cri me manque déjà. Leur cri me manque déjà. Leur cri me manque déjà.